Fermez les yeux et imaginez. La nuit est tombée. C'est ici que vous dormirez ce soir. La tente est montée, les hamacs sont tendus. Le feu est allumé. Un autre visage de la forêt apparaît. Les habitants du jour sont allés se coucher quand ceux de la nuit s'éveillent. Chaque son est plus présent. Le vent au loin, le bruissement des feuilles, le ululement du hibou. Le feu crépite et autour de lui vos compagnons de ce soir. Amis de toujours ou rencontres éphémères, le bivouac est un lieu propice aux confidences et aux histoires. Peut-être que l'un d'eux est musicien et que ses notes résonnent au creux de la nuit. Laissez-vous bercer par la lumière des flammes et la respiration de la nature qui vous entoure. Écoutez les récits de voyage de ces gens. Profitez de l'instant présent, de ce moment si unique. Apprenez, inspirez-vous et surtout partagez. Et bienvenue dans Feu de camp. Bonjour à tous et bienvenue dans Feu de camp. Noël approche et quoi de mieux pour célébrer cette occasion qu'une belle histoire d'amour. Cette histoire, c'est quelqu'un d'important pour moi qui va vous la raconter. C'est Léo, un ami de longue date. C'est un peu grâce à lui que ce podcast existe. C'est un des premiers à qui j'en ai parlé et celui qui m'a apporté le plus de soutien pour aller jusqu'au bout. Il était présent lors des premiers enregistrements et aujourd'hui, c'est à son tour de parler dans le micro. Léo, merci d'avoir été là. J'espère que cet épisode sera à ta hauteur et mettra en valeur cette belle histoire que tu vas nous raconter. Car par amour, Léo a parcouru 6000 km à vélo, de la Bretagne jusqu'à l'Oural, en Russie, pour retrouver celle qu'il aime. Mais il n'était pas seul. Vous vous rappelez d'Hugo, qui racontait sa fuite en Afrique lors de l'épisode 7 ? Eh bien, Hugo était également de la partie pour cette traversée. Je laisse Léo vous présenter le dernier compagnon de route, ou plutôt les deux derniers. Autre petite chose, vu le récit, l'épisode sera proposé en deux parties. La première aujourd'hui sur la genèse de leur voyage, et la deuxième sur le voyage en lui-même, qui sera diffusé le 15 décembre. Mais j'arrête de parler, et je laisse Léo prendre la parole. Je m'appelle Léo, j'ai aujourd'hui 27 ans. Étant gamin, j'ai vécu dans le Beaujolais. Pendant quasiment finalement toute ma jeunesse. Je suis né dans une famille qui était plutôt aisée, loin d'être riche, mais suffisamment aisée pour m'apporter un quotidien confortable, pour aussi me permettre de voyager. Voyager, c'est un grand mot, hein. Voyager à travers des séjours plutôt touristiques, mais je dois ça à mes parents, m'avoir fait découvrir d'autres choses. À travers ce quotidien collégien, à travers ce quotidien lycéen surtout, j'ai été amené à être dans un mal-être. Ouais. Du stress et surtout un sentiment d'être complètement manipulé à cette époque-là, sentiment d'être manipulé par un système que je n'idolâtrais absolument pas. J'avais le sentiment d'être mis dans une obligation, dans la contrainte d'apprendre, d'écouter et de retenir des savoirs et des choses qui me semblaient à ce moment-là vraiment pas importantes pour mon bien-être. Malgré plein de bons souvenirs et de beaux souvenirs, j'ai relativement mal vécu ces années de collégienne, mais surtout lycéenne. Tout a basculé pour en détail. Ouais. Je me suis retrouvé, comme habituellement, dans les révisions du dimanche après-midi. Et je me suis retrouvé, comme assez fréquemment, avec ma mère, à ses côtés. Et ce dimanche-là, j'avais pas plus d'envie que d'habitude. Et il y a un bourdon qui est rentré par la fenêtre. La fenêtre était ouverte, il faisait chaud dehors. Et il s'est cogné sur les murs, en fait, il cherchait la sortie. Il était bloqué entre ces quatre murs. Et après plusieurs rebonds, il a fini par attirer mon attention, ouais. Donc j'ai regardé son vol un peu saccadé. Et en fait, je me suis rendu compte que ce bourdon, il était enfermé lui aussi. Il était coincé. Il avait rien demandé. Il était rentré par mégarde. et il s'était laissé porter par cette pièce qui l'enfermait. Il a essayé de chercher la sortie pendant un long moment. Et après une bonne minute passée, 2 minutes, il a fini par trouver la porte de sortie. Il a repris la fenêtre et il s'est envolé à l'horizon. Et je l'ai regardé pendant un moment, je suis resté bloqué. Et je me souviens bien que c'est ce jour-là, c'est ce moment-là, en voyant ce bourdon s'échapper, que je me suis dit, la voilà ma solution. La solution, c'est non pas la fuite, mais peut-être la quête. Parce que finalement, dans ce quotidien où je me sentais coincé à cette époque, dans ce quotidien finalement qui me déplaisait terriblement, et en voyant ce bourdon, je me suis promis que moi aussi, à ma manière, en temps voulu, je ferai comme lui et je partirai à la conquête de nouveaux horizons. Et ce rêve-là, ou du moins cette promesse-là, elle a pris forme dès l'été venu, donc l'été avait déjà débuté, dès les grandes vacances venues. 2-3 semaines après, j'étais pour la première fois sur les routes avec un sac à dos, avec mon bon copain Robert, et on parcourait le Beaujolais à pied. Et ça, c'était en fait la première d'une longue liste, d'une très longue liste qui était en train de s'écrire. Donc ça, c'est vraiment l'origine de ce qu'a créé une suite. Mais on se rend compte d'ailleurs que dans la vie, c'est toujours des petites choses qui font les grandes. Et c'est comme ça que s'est déroulée ma jeunesse. Ouais. J'ai eu mon bac à mes 18 ans. Et ce qui m'a emmené du côté parisien, dans les Yvelines. Donc je suis parti pendant 4 ans là-bas, loin de mon Beaujolais. Et ce temps parisien m'a offert énormément de choses positives d'ailleurs, sur les rencontres, les amitiés, sur la création, finalement l'indépendance aussi. Mais malgré tout, et je dois bien le dire, ça m'a plongé dans un décor qui n'était pas le mien. J'étais loin des obligations lycéennes que j'avais à l'époque, mais par contre, j'étais en effet dans un décor beaucoup plus urbanisé, chose que moi, sous ce profil-là, je supportais pas, ou du moins j'avais du mal à accepter. Et moi, à cette époque-là, je continuais de rêver de voyage et de rêver d'échappatoire, de rêver de ma quête, la quête de moi-même, et de continuer de rêver de voyage. Ces voyages, je les continuais finalement assez fréquemment, dès qu'il y avait une opportunité qui m'était donnée, des vacances pendant ce cursus audiovisuel, je partais fréquemment, rarement seul, même si ça m'arrivait, souvent accompagné, régulièrement sur le territoire français. Le tour du Mont Blanc, des randonnées dans les Ardennes, des escapades en Bretagne, des grandes virées en stop qui m'emmenaient du sud au nord de la France, des randonnées sur des centaines de kilomètres. C'était fréquent, mais c'était sur des périodes courtes. Qu'est-ce que ça fait du bien de se retirer comme ça en pleine forêt? J'ai l'impression qu'on revit ici. Comme si chaque chose était justifiée. Un sens à chaque pas. Toujours. Ça fait mal à la tête tellement tu sais pas où regarder. On arrive à avoir des moments de répit. On n'est pas obligé de faire des choses pour survivre. Ouais. Il y a des moments de gros stress où tu te dépêches pour le feu, tu te dépêches pour les bâches avant qu'il fasse nuit. Il y a des moments comme ça où tu écoutes le silence. Bah ouais, parce que c'est différent, c'est mieux. On te rabâche durant tout ton quotidien que c'est dangereux de faire ça, que c'est pas sérieux, c'est pas sécurité, c'est pas pratique, putain, sécurité, pratique. Ouais. Et moi, en fait, sur cette période parisienne qui m'avait que j'avais choisie, qui m'avait mis dans ce quotidien parisien que j'appréciais à ma façon et en même temps critiquais beaucoup, je ne cessais pas de rêver du fait que oui, quand cette période sera terminée, un nouveau livre s'ouvrirait et je foutrais le camp. Et je partirais pour de bon. Et à ce moment-là, je me disais même utopiquement, sans retour, je partirais pour de bon. Quand j'ai terminé les études, je savais que pour moi, ça allait être le départ d'une belle et longue période. C'est un truc que j'attendais depuis très très longtemps. Je devais plus rien à personne. Je savais que le voyage me permettait de vivre avec très peu d'argent, voire même gratuitement, chose que j'avais régulièrement expérimentée. Et donc je me retrouvais complètement libre de tout choix. Et moi qui aimais le voyage finalement non motorisé, à pied, en stop, à vélo, le premier voyage a finalement été un petit peu différent grâce à certains contacts que j'avais en Russie, et pour cet amour et cet intérêt que je portais pour les pays de l'Est, je suis parti pour ce lancement de cette nouvelle vie, parce que je considérais ça, et je considère toujours ça comme une nouvelle vie. J'ai lancé ce premier voyage qui était un voyage pour partir en Russie, pour partir au cœur de ce grand pays, aux montagnes de l'Oural. Je suis parti avec mon ami Max, un ami que j'ai rencontré pendant cette période parisienne, un gars qui a toujours été fidèle, un marin dans l'âme, toujours avec l'envie de voyager, avec une modestie démesurée, et finalement, ça faisait tout ça de lui, un acolyte parfait. Et je suis parti avec lui au bord du Transsibérien pour rejoindre une famille qu'on avait en contact dans un tout petit village au cœur de la Russie, donc avec l'envie de réaliser un documentaire sur le peuple russe. Avec Max, on avait déjà réalisé dans le temps déjà un documentaire, et en arrivant dans ce village, on a été frappé par le peuple russe lui-même. On a remarqué très, très rapidement cette façon de faire des Russes, même dès l'arrivée à Moscou ou dans le train. Ces Russes qui étaient finalement très, très froids au premier abord, et qui se montraient terriblement tendres et intéressés par l'inconnu. Nous sommes en Russie, pas loin de Bolgia, Sosnova, en plein trip en motoneige, et Spiota, Alexander et Michal nous présentent de formidables endroits, et c'est assez incroyable de voyager dans ces décors qui ressemblent à des rêves. Merci à la Russie. Спасибо, Русья. Спасибо, Русья. Спасибо, Спиота. Лео, ты не путал с ним? Лео, Лео, давай сначала. Ты, а потом Юрич. Окей, фото. Ваня! Давай снимки делай, хорошие, чтобы... Спасибо. Et donc ce voyage finalement un peu sédentaire qui a duré pendant près d'un mois en Russie m'a permis entre autres de réaliser une partie du documentaire sur l'école du village. Et en allant dans cette école ouais, comme dans les films américains, quand la vidéo se met au ralenti et puis qu'on a un gros plan sur le personnage, il y a eu un certain coup de foudre, et ça c'était très chouette, ouais. Je suis tombé tout de suite assez admiratif de la maîtresse de l'école. Quand j'ai vu passer cette jolie jeune femme, je me suis pas dit une seule seconde je vais finir avec elle, quoi. Et pourtant je suis resté accroché à son image et à me dire tiens, elle, ça m'a chamboulé cette rencontre. Une fois après avoir quitté tout ça, je me souviens avoir échangé avec Max et lui avoir dit « Ouais, tu l'as vu la maîtresse ?» Il me dit « Bah bien sûr que je l'ai vue » et je lui dis « Qu'est-ce que t'en penses ?» Il me dit « Bah, et puis, elle est jolie, elle te plaît, oui, elle me plaît. » Et ça en restait là finalement. Et puis, j'ai été amené à retourner plusieurs fois à l'école avec Max pour continuer ce reportage. Et on s'est vu à plusieurs reprises avec cette enseignante. Et on a discuté alors comme on le pouvait, parce que le russe, on le pratiquait pas du tout. Absolument pas, ni Max ni moi. пожалуйста. Just one moment. Куда я должна смотреть, Лео? When I see... Куда? Just туда? На тебе? Okay. Yeah. Great. Okay. It's perfect. Ну я буду смеяться все время. Все? So you got... Плохое видео. In your Russian language, can you say a presentation of you? Name? Okay. I speak Russian language. Yeah, yes? Russian. Okay. Все? Yeah, все. Et puis en beau jour, en rigolant, en retournant dans notre famille d'accueil, si on peut dire, je dis à Max, oh ben un jour, je serai avec cette nana, et puis je me réveillerai à ses côtés, et puis le matin, je lui préparerai un café. Et puis Max, il rigolait, il me dit, attends, essaye déjà de l'embrasser, puis on verra ton avenir après. J'ai commencé à me dire, et pourquoi pas. C'était un ancien qui m'avait dit ça au bord d'un lac, là, près de la frontière espagnole. Il m'avait dit, il faut essayer dans la vie. Parce que si tu demandes rien, t'auras aucune réponse. Si tu demandes, tu risques un non. Le seul risque, c'est d'avoir un non. Donc j'ai repensé à cet ancien, et puis je me suis fixé dans l'idée d'essayer. Les contacts se sont affinés, elle connaissait très bien notre famille d'accueil. Et puis un beau jour, sur cette petite rue russe enneigée, en fin de journée alors que le soleil tombait, on était que tous les deux, je lui ai sorti un petit flacon de parfum. Ma mère m'avait laissé des petits flacons de parfum, ces espèces d'échantillons qui sont donnés dans les parfumeries. Ma mère m'avait dit, oh, tu donneras ça à la famille ou à une russe pour la remercier. Ma mère, elle savait pas qu'à ce moment-là, elle me tendait une carte pour emballer peut-être la femme de ma vie. Je lui ai donné ces petits flacons et puis ça l'a fait vachement rougir. Et puis au milieu de la conversation, alors qu'elle galérait à me parler et que ses yeux jonglaient entre le traducteur et les miens, je m'y suis tenté. Je l'ai embrassée. Elle s'est reculée. Elle a regardé à gauche, elle a regardé à droite. Et puis elle m'a embrassé à son tour. Et en fait, cette histoire a commencé comme ça, et cette histoire a perduré. On avait créé, en si peu de temps, sur ce petit mois en Russie, un amour fort, mais surtout une énorme volonté de continuer cette histoire. Et puis notre relation a perduré. Durant plusieurs mois, j'ai fait énormément d'allers-retours en Russie. Elle aussi, de son côté, a eu l'occasion de venir me voir. J'avais toujours continué de voyager. À travers différentes randonnées. Et pendant le temps que je randonnais, j'étais pas avec Lina. Rapidement après le début de notre relation, je suis parti sur les chemins de Compostelle. C'était pour moi un projet que j'avais en tête depuis de longues durées. Et ce chemin de Compostelle m'a emmené donc tout au bout de l'Espagne, cap ouest de l'Europe. Malgré tout, la magie et de ces chemins, de ce chemin, cette puissance fraternelle qui unissait les gens, je me suis rendu compte que j'allais complètement à contresens. Je visais le cap ouest, alors qu'en fait, mon amour, mon intérêt, ma raison d'être joyeux, une des raisons d'être joyeux, d'être réellement heureux, habitait plein est. Arrivé au Cap Finistère, après 2 mois de voyage, je me suis dit, le prochain voyage, je le ferai dans sa direction. Et j'essayais finalement, à ce moment-là, sur ce début d'idée, à créer un compromis, quelque chose qui pourrait lier l'amour et le voyage. Et quand je suis rentré chez mes parents après ce chemin de Compostelle, je me rappelle avoir tapé Google Maps sur Internet, avoir tapé le nom de son village, Bolshaya Sosnova. J'ai mis à pied et j'ai mis Hunter. Et je me suis dit, si ça fait moins de 10 000 km, j'y vais. Paf, le résultat était bon, à peine un peu plus de 6 000. Si je me bouge, c'est jouable. Je peux le faire, entre guillemets, assez rapidement. L'idée, c'était pas de partir une année, parce que ça aurait été compromis, ne serait-ce que vis-à-vis de la relation. 6000 bornes, ça annonçait. 6000 bornes, je me suis dit, t'en as fait 2000 à pied pour aller à Saint-Jacques de Compostelle. Alors 6000 à vélo, pourquoi pas? Tout est envisageable. Donc j'avais cet objectif en tête de rejoindre la France à Bolchia-Sosnova, ce petit village au pied des montagnes de l'Oural, à la frontière asiatique. Et en fait, il me fallait finalement essayer de donner un petit peu un sens à tout ça, au-delà d'un sens romantique. Et rapidement, sur ce chemin de Compostelle d'ailleurs, là où d'ailleurs est née cette idée de périple, il y a eu Hugo m'accompagnait. Et Hugo, c'est un grand bonhomme, très, très grand, bien plus grand que moi, qui a toujours été plein d'envie, de rêve, qui a finalement peut-être jamais été très bien là où il était, ce qui l'a toujours amené à bouger, à être dans une mouvance constante, ce qui m'a permis aussi de beaucoup l'admirer par ses itinérances multiples. Et ce gars-là, je lui ai proposé, ce gars-là qui était un grand ami, je lui ai dit, est-ce que, bah tiens, j'ai ce projet-là de rejoindre le village de Lina à vélo, est-ce que ça te dit? Alors il lui a pas fallu longtemps pour réfléchir, 6000 km, 3, 4, 5 mois de voyage, je signe, c'était parti. Donc on s'est mis avec Hugo à construire ce projet. Lina était institutrice à l'école de Bolchia-Sosnova, ce qui m'a tout de suite donné envie de mettre son école en lien avec ce voyage. Comment on peut rendre ça intéressant? On avait imaginé mettre en relation une école française, une école russe. Et puis quand on s'est penché sur la carte européenne avec Hugo et a regardé quel pays il allait être nécessaire de traverser, on s'est vite rendu compte qu'en fait on allait compter 7 pays, quoi. On allait traverser l'Allemagne, la République tchèque, la Pologne, et puis bien sûr ces pays baltes, la Lituanie, la Lettonie, qui nous emmèneraient jusqu'à Russie. Et là se dessinait un projet de se dire, on visite 7 pays, alors allons rendre visite à cette école, et qu'est-ce qu'on fait avec eux? Qu'est-ce qu'on met en place? Qu'est-ce qu'on peut créer avec 7 langues différentes? Et il y avait une chose, presque qu'une seule chose qui réunissait vraiment ces pays dans le dialogue, c'était l'art. Parce que l'art, ça reste un langage universel. On a souhaité réaliser une fresque transeuropéenne. Une fresque transeuropéenne qui ferait 10 mètres de long, 1 mètre de haut, et on proposerait à tous ces pays, à chaque école, à une école par pays, de peindre, de dessiner, de tracer les cultures et les traditions de leur pays sur chaque partie de la fresque. C'est-à-dire qu'il serait attribué à la France 1 mètre 40 exactement, 1 mètre 40 de large, pour représenter comme il le souhaitait, avec carte blanche totale, la tour Eiffel, la baguette de pain, le béret, l'histoire de Napoléon, tout ce qu'il souhaitait pour pouvoir illustrer la France, ses cultures, ses traditions, son histoire. Il en était de même pour les Allemands, pour les Tchèques, pour les Polonais, pour les Lituaniens, pour les Lettoniens, et puis bien sûr pour les Russes. L'idée était de créer, à travers ce voyage à vélo, 10 mètres de fresques de couleurs qui allaient représenter ces couleurs du continent. Donc une fois qu'on était d'accord sur ce concept, il nous a fallu chercher ces écoles, parce que c'est bien beau de dire « je vais rencontrer une école par pays, mais encore faut-il mettre la main dessus ». On a donc essayé de prendre contact avec notre entourage. Est-ce que vous connaissez quelqu'un en Allemagne? Est-ce que vous connaissez quelqu'un en Pologne? Les contacts n'étaient pas toujours évidents à trouver. Et puis surtout, au-delà de ça, il nous fallait un certain budget, parce qu'il nous fallait acheter des vélos, parce qu'on n'en avait pas. Il nous fallait prévoir assez d'argent pour pouvoir vivre pendant 4 mois, on imaginait ça à 4 mois en itinérance. Donc on s'est réparti les tâches. Hugo s'est mis sur la recherche de sponsors, la recherche de financement. Et puis moi, de mon côté, je me suis mis à fond sur les écoles, sur trouver des établissements qui seraient partants pour notre projet. La recherche de financement et la recherche des écoles ont débuté en août. Rapidement, j'ai trouvé beaucoup de contacts en Europe. L'Allemagne a été la première, dans la ville de Bad Kreuznach, pas très loin de l'Alsace. J'ai rapidement trouvé une école à Prague, bel et bien en Pologne aussi, du côté de Bartoszyce, tout au nord de la Pologne, près de la frontière lituanienne. La capitale lituanienne, Vilnius. Et puis cette dernière école en Lettonie, qui a été confirmée le jour de Noël, le 24 décembre. Le 24 décembre, j'ai eu un mail de la part de l'école de Riga, la capitale lettonienne. On a eu la confirmation le 24 décembre que cette sixième école nous souhaitait. Et il nous restait finalement que la France à trouver. Et la France, c'est triste à dire, c'est là qu'on a le plus galéré. J'ai essayé d'avoir des contacts à gauche et à droite, et finalement je me suis rendu compte que les enseignants, bien au-delà de leur volonté, étaient d'une certaine manière bloqués dans ce système qui leur était imposé par l'éducation nationale. On a finalement trouvé solution quelques bonnes semaines avant le départ, et avec grand soulagement de trouver ça. Ouais. On a finalement réuni ces six écoles avec cette école française située en Bourgogne, du côté de Saint-Sauveur, le village natal du célèbre écrivain Colette. Et Hugo, de son côté, lui a cherché des sponsors. Donc il a géré un site de cofinancement pour les internautes. Il a démarché aussi un sponsor, Mindest, qui a été un sponsor suisse lié au traitement de déchets, qui voyait par notre aventure évidemment un côté écologique par les coups de pédale, mais aussi un intérêt culturel et international qui leur tenait à cœur, bien au-delà des valeurs de l'entreprise, et qui leur tenait à cœur par l'intention du projet. Et Hugo a finalement rassemblé une somme suffisante qui s'élevait à 8000 euros. 8000 euros nous a financé l'ensemble du projet, c'est-à-dire l'achat des visas pour la Russie, l'achat des deux vélos avec les équipements complets, le matériel qui nous serait nécessaire pour vivre sur la route, pour le paiement de notre nourriture, et puis pour l'essence de nanar. Alors l'essence de nanar, c'est un point spécial. Une fois que tout le projet était en place, qu'on était finalement prêt à partir, je suis retourné voir Lina en avion pour lui dire un dernier au revoir avant le grand départ. Je suis retourné la voir en avion, c'était au mois de janvier, et le départ était sonné pour fin février. Et puis je me suis connecté sur Skype en étant en Russie, et puis j'ai trouvé Max qui était en ligne, Max qui m'avait accompagné sur ce premier voyage. Et puis je lui ai dit: qu'est-ce que tu prévois ces prochains temps? Nous on est sur notre départ, et toi qu'est-ce que tu vas faire de ta vie? Et Max me dit: eh ben moi j'ai envie de me relancer, j'ai envie de repartir sur de nouveaux projets, et je me suis acheté la semaine dernière une petite camionnette, un Renault Express avec un peu de place à l'arrière. Je suis en train d'aménager ça pour mettre quelques rangements et puis sillonner le pays. Finalement, presque par politesse, mais aussi par intérêt de l'avoir avec nous, mais sans me dire que c'était possible, je lui ai dit: bah, t'as qu'à nous suivre, t'as qu'à venir avec nous à vélo, et comme on l'a déjà fait dans le passé, de réaliser un documentaire, de réaliser deux documentaires, et ben viens en réaliser un troisième avec nous, à notre côté. Et en fait, il a pris ça carrément au sérieux, et je me suis retrouvé le plus joyeux en voyant son intérêt, et quand il m'a dit: eh ben ouais, pourquoi pas. Il m'a dit: j'ai l'automobile, elle est plus vieille que nous, mais elle a l'air de rouler, et pourquoi pas lui donner un super challenge et de vous suivre. Et en fait, Max, dans un premier temps, nous a dit: je viens de A à Z de vous suivre à vélo pour vous aider à finalement marquer cette histoire, à garder une trace de cette aventure que vous allez faire naître. Parce qu'on avait bien l'idée avec Hugo de réaliser ce documentaire, mais sur un vélo, c'est sûr que le matériel est vite limité, et Max nous donnait l'opportunité de transporter plusieurs caméras, de transporter un trépied, des trépieds, de transporter surtout un panneau solaire qui nous permettrait de recharger les batteries de la caméra. Donc on s'est retrouvé courant février à quelques jours du départ, à trois, Max, Hugo, moi, de vélo, une petite camionnette plus vieille que nous, à être sur la ligne de départ et à fixer l'horizon Cap Est. Beaucoup nous avaient relaté les statistiques meurtrières de la Russie sur les routes. Un ami de la famille m'avait dit « c'est suicidaire d'y aller ». Dans un deuxième temps, il m'avait dit « si vous y arrivez, c'est un miracle ». Il y a une personne qui nous avait toujours rallié dans ma famille, c'était Suzanne. Suzanne, c'était ma grand-mère. Tous les trois, on la connaissait très bien, bien entendu. Et donc, Suzanne était plus qu'au courant de notre voyage à venir. Suzanne, ma grand-mère, elle a toujours vécu dans une ferme, à travailler avec énergie à la sueur de son front. Et cette femme avait finalement jamais vraiment voyagé. Elle avait jamais vraiment quitté la Dombes, cette petite région du département de l'Ain. Mais elle voyait dans cette échappée qui nous emmènerait Cap Est quelque chose de complètement fou. Et je me souviens du dernier repas qu'on a partagé ensemble. C'était avec Hugo, on est allé manger avec elle le 23 février. Et je lui ai énuméré tous les pays qu'on s'apprêtait à traverser, parce qu'on allait partir. Et elle me regardait avec des grands yeux et elle hochait la tête. Elle disait rien de plus, ça lui paraissait complètement démentiel. Le lendemain, elle est décédée, le lendemain. Ça avait pas prévenu, quoi. J'ai eu le temps d'enterrer Suzanne avec mes proches. Et puis, au moment du départ, devant cette église de Chalamont, ce petit village de la Dombe où on a enterré Suzanne, il y a beaucoup d'amis de ma grand-mère qui sont venus me voir et qui m'ont dit « Ta grand-mère a eu la plus belle mort et c'est ce qu'on cherche tous. Être en pleine forme et partir subitement sans souffrance. » Et ils ont ajouté une chose qui m'a été à ce moment-là essentielle. Selon certains, elle était partie par choix, elle était partie pour nous accompagner, elle était partie pour prendre soin de nous, pour être à son tour mon ange gardien. Et le départ de Suzanne, son accompagnement, qui m'était presque certain, me rassurait. C'est ce qui m'a emmené, du coup, après la cérémonie de Suzanne, juste à la sortie de l'église, à prendre en covoiturage qu'allait m'emmener à la pointe ouest de la Bretagne, à la pointe ouest de la France, à la pointe de Corsin, en compagnie d'Hugo et Max, pour entamer ce voyage qui m'emmènerait à la pointe est de l'Europe, à Bolchassosnova, au pied des montagnes de l'Oural. Quand on s'est retrouvé sur la pointe de Corsin, on avait passé la nuit sur place. Le père de Max nous avait accompagnés en voiture. Puis il nous avait dit « Bah vous embêtez pas les gars, je prends 2 semaines de vacances parce que je sais bien que vous allez m'appeler avant l'Allemagne pour rentrer à la maison. » Et puis le beau matin, quand on s'est arrivé à la pointe de Corsin, on s'est mis en selle. Et waouh, une fois le cul vissé sur la selle, je me suis dit « Ça y est, ça fait un an que t'en parles ou presque, ça fait presque une année que tu mets ça au point, que t'as fait naître l'idée, que t'as contacté ces écoles, que vous avez trouvé les fonds, créé l'équipe et créé ce concept. » Et là ça y est. C'est un premier coup de pédale. Des coups de pédale sur 6000 km, on en comptait environ 1 million. 1 million par personne. 1 million, ça fait un chiffre. Alors ce premier était très symbolique. Et puis, au moment de lancer les vélos, il y a un gars qui nous interpelle. Et puis il nous dit, alors, les jeunes, vous partez en balade? On lui dit, oui, on part en balade, ouais. Et nous allez jusqu'où? On lui dit, jusqu'en Russie. Il dit « Non, allez, sérieux, vous allez où ?» Et il voulait pas nous croire. Et on a réinsisté en Russie. Et puis à ce moment-là, il a fait « Natacha, il dit Souda !» Merde, quoi. Il y avait une délégation russe pour le pot de départ. Une russe qui venait de la région de Ekaterinbourg, pas très loin de Perm d'ailleurs, qui était là par le plus grand des bonheurs, par le plus grand des hasards, qui a pu échanger quelques mots en russe avec nous. Et c'était très anecdotique, puisque cette rencontre n'aura pas changé ni ma vie ni ce voyage, mais symboliquement, elle aura marqué le coup d'un départ. seconde jeunesse. Et j'ai vu tout la beauté de son geste. On voudrait l'encourager. Vas-y, va comme ta vie est belle. Et tu suffirait d'y penser. C'est la fin de cette première partie. J'espère qu'elle vous aura mis en haleine et vous donnera envie d'écouter la deuxième, qui sera très bientôt en ligne. Croyez-moi, elle en vaut la peine. Alors restez connectés, le feu de camp continue. À très vite.